musique qu'il fait, par la musique qui est un peu festive, mais le message de qui fait les paroles, ou un message, c'est de mélancolie, et puis je voulais dire un peu.